franceinter.fr. Bonsoir. C'est en juillet 1914 que nous partons maintenant, en compagnie de Jean Jaurès, l'homme qui a voulu empêcher la guerre. Juillet 1914, on s'agite dans les chancelleries et dans les casernes. Mais l'Europe, alors, est encore en paix. La paix, cet état si normal en apparence qu'on en oublie qu'il est fragile. Dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques heures, le monde d'hier, comme l'appelait avec nostalgie l'écrivain Stefan Zweig, sera englouti, anéanti dans un déchaînement de haine, de bombes et de millions de morts. De l'horreur des tranchées au cri de plus jamais ça, naîtra un drôle de monde le XXe siècle. On a du mal aujourd'hui à comprendre comment les esprits d'alors ont pu se laisser prendre. Nous nous sentîmes emportés, écrira un ambassadeur, roulés dans une espèce de course vertigineuse, tourbillonnante, où les événements se précipitaient vers un unique dénouement possible, la guerre. Il y eut pourtant quelques esprits éclairés. Jean Jaurès est de ceux-là. Depuis des mois, le député socialiste tente d'opposer l'humain, le respect du droit et de la démocratie à la logique de guerre. Un combat qu'il va payer de sa vie. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. C'est les derniers jours de Jean Jaurès, et en même temps du déclenchement de la guerre. Ces deux événements sont intimement liés, hélas, que nous allons parler ce soir. Gilles Candard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste justement de Jean Jaurès. Vous êtes l'auteur avec Vincent Duclerc d'une biographie du député socialiste qui est sortie en 2014 chez Fayard. Elle s'appelle tout simplement Jean Jaurès. Elle fait référence aujourd'hui. La mort de Jean Jaurès, assassiné au Café du Croissant le 31 juillet 1914, donc la veille du déclenchement de la Première Guerre mondiale, est un moment clé de notre mémoire collective, on peut le dire. Et pourquoi est-elle si importante, cette date? De quoi est-elle le symbole, Gilles Candard? Parce que, comme vous venez de le dire, c'est à la fois l'assassinat de Jaurès et immédiatement après, la Grande Guerre. Et nous savons bien que la Grande Guerre, malheureusement, ne s'est pas terminée en 1919. Elle est lourde de bien des drames qui arriveront ensuite. Le fascisme, le nazisme, en Union soviétique, la dictature stalinienne, la Deuxième Guerre mondiale. L'évolution pacifique, démocratique qu'on pouvait espérer avec Jaurès se termine tragiquement juste au moment où le contraire va arriver, la Grande Guerre. Et Jaurès avait vu tout ça, vous pensez ? Alors Jaurès, c'était un homme politique qui s'efforçait à la lucidité, qui en tout cas, depuis des années, pointait le danger de guerre et essayait d'élaborer une stratégie politique pour éviter ce risque. Et effectivement, dans la presse ou à la tribune ou en congrès ou en meeting, il mène campagne en large partie contre le danger de guerre et pour que le prolétariat élabore une stratégie qui permettrait d'empêcher cette guerre, à la fois une stratégie ouvrière, internationale, au niveau aussi des États. Ils n'opposaient pas l'un à l'autre. Ils se servaient, disons, de la possibilité révolutionnaire qu'ils n'excluaient pas, également pour faire pression sur les gouvernements, y compris les gouvernements monarchiques et conservateurs. Donc il y a une politique qu'il faut prendre au sérieux de Jaurès pour empêcher cette guerre. Et en même temps, il disait bien que si la France était attaquée, il faudrait la défendre. C'est ce qui rend effectivement les choses extrêmement compliquées. Il n'était pas, disons, un pacifiste au sens absolu. Pas le pacifisme des années 30. Voilà, tout à fait. Il était pour l'indépendance de la patrie et donc il était tout à fait patriote. Mais il pensait qu'on pouvait éviter ce danger de guerre qui serait un déni de civilisation, pour l'humanité. Il voyait très bien que ce qui risquait d'en sortir ne pourrait pas être drôle. Contrairement à certains qui se disent avec la guerre, ce sera la révolution. Jules Guesde, sans parler de Lénine, le pense souvent, donc d'autres socialistes de l'époque. Mais Jaurès disait, oui, il y aura peut-être le socialisme, mais un socialisme tellement marqué par la guerre, la violence, le sang, que ça ne sera pas le socialisme démocratique, pacifique et civilisé dont nous pouvons rêver, dont nous devons rêver pour qu'il puisse emporter la cause de l'humanité. Pouvez-vous nous rappeler, Gilles Candard, qui est Jean Jaurès en 1914, un peu brièvement l'homme politique, mais l'homme tout court. Oui, alors il ne faut pas lui accorder à la fois une importance démesurée, en même temps, bien voir que c'est quand même quelqu'un qui compte en France et aussi dans la politique internationale. Il n'a jamais été ministre. Hein, oui, c'est ça. Il est député, donc il y en a 600 autres. Hein, mais c'est un député, effectivement, dont la voix porte depuis déjà de nombreuses années. On sait qui il est à Saint-Pétersbourg, à Berlin ou à Londres. Sa voix porte même au sens propre, puisque c'est un orateur. C'est un grand orateur et c'est le leader du camp du Parti Socialiste, le Parti Socialiste qui s'est unifié en 1905 et qui est en progrès en 1914. Il vient d'atteindre 17% des voix et une centaine de députés sur 600. Donc une force politique, mais pas non plus celui qui peut tout faire, loin de là. Merci Gilles Candard pour ce portrait. Je vous propose que nous nous retrouvions dans une trentaine de minutes pour poursuivre cette discussion. Autant on emporte l'histoire sur France Inter. L'heure est tragique. S'il est vrai que la chose monstrueuse est là, devant nous, s'il est vrai que l'incendie pourrait surgir, alors le prolétariat doit se demander s'il est nécessaire de marcher pour assassiner ses frères. S'il y a la guerre, il faut que Jaurès soit collé au mur en même temps que les affiches de mobilisation. Sinon les Français auront l'ennemi devant eux et la trahison dans le dos. J'appelle les vivants pour qu'ils se défendent contre le monstre qui apparaît à l'horizon. Je pleure sur les morts innombrables couchés là-bas vers l'Orient et dont la puanteur arrive... Jaurès est un agent allemand. Il travaille pour la Grande Allemagne. La France parle ! Taisez-vous, Herr Jaurès ! Jean ! Jean ! Les derniers jours de Jean Jaurès, un texte de Jean-Yves Le Naour, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Benjamin Habitant. Le 31 juillet 1914, à Paris, Jean Jaurès est assassiné par un nationaliste exalté, un certain Raoul Villain. Les coups de feu qui terrassent le dirigeant socialiste dans cette soirée tragique sont les premiers de toute la guerre. Le lendemain, l'Allemagne et la France mobilisent et l'affrontement devient inévitable. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Et pourtant, 10 jours plus tôt, dans la chaleur du bel été 1914, personne ne songeait à la guerre. Ce 23 juillet, Jaurès ripaillait avec ses amis dans le jardin de sa propriété de Passy. Parmi eux, son bras droit à la rédaction de l'Humanité, le député Pierre Renaudel. Ce fut un bel après-midi. On sut plus tard que c'était le dernier. Depuis, les lumières se sont éteintes sur l'Europe et ceux qui ont appuyé sur l'interrupteur ne les ont jamais vus se rallumer. Ils ont beau se repentir, jurer leur grand Dieu qu'ils n'ont pas voulu cela, qu'ils se sont trompés, qu'on les a trompés, ils n'ont pas pu empêcher les ténèbres d'envahir le monde. Oui, ce fut un bel après-midi, une chaude journée d'été. Et quel gueuleton ! Tu te souviens, Renaudel ? Bien sûr. On a commencé par du pâté en croûte et de la faisselle aux herbes. Après, ce fut jambon braisé et salade. Ah oui, ensuite côtelette d'agneau aux haricots. Poulard de truffée, pommes sautées au lard, mon péché mignon. Fromage blanc, brie, pêche au sirop. Tarte à l'abricot. Le tout arrosé de vin blanc de la Loire, de rouge cadurcien et de moelleux bordelais, sans compter les apéritifs et les pousse-cafés, les dubonnets et la petite mirabelle. En me tapant sur le ventre, je me suis exclamé « Ah, comme j'aime ces petits repas de rien du tout !» Et tout le monde a ri. Ce fut un bel après-midi. Mon dernier. Le dernier de l'Europe en paix. Et je ne le savais pas. Le 23 juillet 1914, l'Europe vit son dernier moment d'insouciance. Ce jour-là, à 18h, l'Autriche-Hongrie remet un ultimatum à la Serbie, amorçant le terrible engrenage qui va conduire à la Première Guerre mondiale. Vive le son du canon, Amis, restons toujours unis, amis, restons toujours unis. Insouciant, comme à son habitude des fins de banquet, Jaurès est monté sur une chaise pour entonner à tue-tête sa chanson révolutionnaire préférée, sous les rires des amis qui reprenaient en chœur le refrain. Au même moment, de grosses gouttes se sont mises à tomber. Le citoyen Jaurès fait pleuvoir. Et l'on a bien ri en courant vers la maison. Les hommes, un verre de vin à la main, les femmes, un gamin sous le bras. En cette fin d'après-midi, le tonnerre couvrait encore le son du canon. Oui, ce fut un bel après-midi. Mon dernier. Et le dernier du monde d'hier. Alors, l'humanité, le temps, les hommes du jour, la lanterne, la petite république et le populaire du centre, ça nous fera 60 centimes tout rond. Je suis désolée, hein, j'ai pas encore reçu le midi socialiste. Je vous le mets de côté pour demain ? Oui, merci, ça sera très bien ainsi. Tenez, voici un franc. Ah, dites, monsieur, vous qui êtes instruit, qui savez des choses, ça sent vilain, hein, tout ce grabuge là, avec la Serbie, l'Autriche et tous ces pays que je connais point. C'est vrai ou pas qu'on aura la guerre ? Soyez tranquille, citoyenne. Nous allons empêcher cette horreur. Ah, c'est quelqu'un, monsieur Jaurès. Il est pas fier avec ça. Et en plus, il me laisse toujours la monnaie de ses 1 franc. Le 29 juillet 1914, les dirigeants des différents partis socialistes européens, membres de l'Internationale socialiste, se réunissent à Bruxelles, dans la Maison du Peuple, magnifique bâtisse Art Nouveau. L'atmosphère est tendue, mais pas encore dramatique, car l'on croit sincèrement à la possibilité d'éviter le pire. Jaurès, bien sûr, a fait le voyage. L'occasion pour lui d'accorder ses violons avec Hugo Haase, le chef du SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschland, le puissant parti socialiste allemand. Fils de cordonnier au front dégarni et à la moustache épaisse, Hugo Haase partage avec Jaurès, outre des yeux pétillants, la certitude qu'une pression mutuelle sur chaque gouvernement saura refroidir les esprits échauffés. Haase entraîne Jaurès dans un bureau au calme. La situation est grave. Jaurès, installez-vous. Il faut que nous adoptions une position commune pour avertir nos gouvernements respectifs. Hugo, cette position est très claire. Paix au peuple, guerre à la guerre. Non, ce n'est pas clair. Nous ne voulons pas agresser un peuple, mais si la Russie mobilise et nous agresse, nous devons nous défendre. Attendez. Pour le moment, c'est l'Autriche et l'Allemagne derrière elle qui mettent en péril la paix du monde. Oui, c'est vrai. Mais vous savez que tout s'enflammera si la Russie s'en mêle. Si elle mobilise, alors l'Allemagne mobilisera. Et la France mobilisera à son tour. Et ce sera la guerre dans toute l'Europe. Je sais bien qu'il faut éviter ça à tout prix, mais comment ? Nous pourrions menacer les gouvernements d'une grève générale pour les contraindre à la paix. Unwahrscheinlich. Jean, les socialistes russes sont trop faibles, trop peu organisés. Ils seront aussitôt arrêtés et fusillés. Alors que nous, en Allemagne, nous sommes le parti le plus important et nos syndicats rassemblent des millions d'ouvriers. Nous pouvons paralyser la mobilisation. Mais nous ne le ferons pas, car ce serait faire le jeu de la Russie. Mais si vous ne lancez pas le mot d'ordre de grève générale, comment voulez-vous que nous puissions le faire de notre côté ? Vous ne voulez pas livrer votre pays à l'invasion ? Eh bien, nous non plus. Alors que faisons-nous ? Faites pression sur votre gouvernement pour qu'il retienne l'Autriche. Et nous ferons pression sur le gouvernement français pour qu'il retienne la Russie. Menacez de la grève générale, de la révolution, de ce que vous voudrez. Montrez les dents, mentez s'il le faut. Mais faites plier votre Kaiser. Et vous, êtes-vous bien sûr que la France ne poussera pas la Russie à la guerre ? Écoutez, j'ai reçu les assurances les plus formelles et je puis vous garantir que le gouvernement français veut la paix. Abel Ferry, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, m'a affirmé que Paris donnait au tsar des conseils de prudence et de patience. Et puis, je vous signale que ce ne sont pas les démocraties, même bourgeoises, qui font peser la menace sur l'Europe, mais les régimes impérialistes, dont le vôtre. Alors, s'il vous plaît, travaillez votre empereur et travaillez-le vite. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai quelque chose d'important à faire. Ce que Jaurès a de plus important à faire que de conférer avec les dirigeants de l'Internationale socialiste, c'est de se rendre au Musée royal de Bruxelles pour admirer les primitifs flamands. Il est comme ça, Jaurès. Un ventre à pattes dont le gilet conserve la trace de ses derniers repas, un intellectuel habillé à la va comme je te pousse, qui promène en permanence 3 ou 4 livres dans les poches déformées de sa veste sans âge. Tribun, écrivain, historien, journaliste, penseur enfin, dont l'engagement socialiste puise lui-même à toutes les sources. Une bonne louche de marxisme, quelques cuillères de christianisme, une pincée de révolution française et un brin de philosophie. Le tout servi dans une assiette à la faïence farouchement républicaine, recouverte d'un épais vernis humaniste. Alors, loin des tumultes de la guerre civile européenne qui menace, il se recueille devant les primitifs flamands, ce joyau de la Renaissance. Et devant ce que la civilisation européenne a su donner de plus beau, il verse une larme. Moi aussi j'en ai pleuré. Cette fois-ci, c'est la guerre. C'est sûr. C'est certain. Dieu soit loué. Merci, mon Dieu. Merci, merci. Demain, à l'aube, nous marcherons vers la ligne bleue des Vosges. Nous libérerons nos frères d'Alsace-Lorraine et nous effacerons de la carte cette maudite race germanique à l'orgueil démesuré. Oh mon Dieu, un doute m'assaille. Et si la guerre n'avait pas lieu? Et si le traître Jaurès sabotait l'appel aux armes? Il ne faut pas que cela soit. Et cela ne sera pas, aussi vrai que je m'appelle Raoul. Raoul Villain, un bien curieux personnage. Un jeune homme chétif, pieux à l'excès, éternel étudiant chichement entretenu par son père, incapable de trouver sa voie, qui porte sur son visage une immense lassitude, celle du vaniteux qui se sait médiocre. Médiocre? Moi? Mais comment osez-vous? Surtout, c'est un exalté, qui se passionne aussi vite qu'il se refroidit avant de prendre flamme à nouveau. Et puis, il y a ses idées fixes, son comportement manifestement dérangé. Il faut dire qu'il est victime d'une hérédité chargée. Je défends de parler de ma famille. Sa grand-mère vivait recluse. Elle parlait seule ou avec la Vierge. Sa mère, elle, fut internée pour propos incohérents et hystérie. Un jour, quand Raoul Villain était encore nourrisson, sa mère fut prise d'une crise et le jeta par la fenêtre. C'était un accident, voyons. Mais la grande honte pour ce nationaliste revanchard est d'avoir été réformé au service militaire. Ce n'est pas tout à fait exact. J'ai fait 1 an au lieu de 2, et c'est à cause de mes problèmes de santé que l'on m'a dispensé de la 2e année. Et pas parce que j'étais la tête de turc de mes camarades de chambre. Ce sont des calomnies. La seule constance chez cet individu sans intérêt, c'est la foi en Dieu et dans la patrie. Et peut-être le désir de réaliser quelque chose de grand. Moquez-vous. Mais c'est vrai. Vous verrez. Dans 100 ans encore, on se souviendra de moi. Je vais faire l'histoire. Ou plutôt, je vais l'aider à s'accomplir. Je suis la force du destin. Je suis celui chargé de débarrasser la France des salauds qui veulent l'égarer dans le labyrinthe de l'erreur démocratique. Demain, les Français me béniront et m'élèveront des statues. Des rues, des boulevards, des avenues porteront mon nom. On se souviendra de moi comme de celui qui a rendu la guerre possible. La guerre. Comme je l'attends. Comme je l'espère. 30 juillet 1914. Le président du Conseil, René Viviani, est nerveux. La paix, dit-il devant le Conseil des ministres, ne tient plus qu'à un fil. Messieurs, je ne vous cache pas que la situation s'aggrave considérablement. L'Allemagne se dérobe devant toutes les solutions qu'on lui propose pour éviter la guerre. J'apprends à l'instant que son armée rappelle ses permissionnaires. Et le tsar qui souffle le chaud et le froid, qui annonce la mobilisation et qui l'annule au dernier moment. Nous marchons sur la corde raide. Alors, qu'allez-vous faire, monsieur Viviani? Le député qui vient d'interpeller le président du Conseil est Abel Ferry, neveu du grand Jules et sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères. Ce que je vais faire? Eh bien, rien. Autrement dit, vous n'encouragez pas la Russie à mobiliser, mais vous ne la découragez pas non plus. Dans ce cas, qu'allez-vous dire aux socialistes à qui le gouvernement a promis de calmer les Russes? S'ils apprennent que nous menons double... Les socialistes, j'en fais mon affaire. Vous n'ignorez pas que j'en fus un autrefois, et Jaurès est resté un de mes amis. Je le reçois tout à l'heure en délégation de la Chambre des députés. Je lui dirai ce qu'il veut entendre. De toute façon, quoi que nous fassions ou que nous ne fassions pas, si l'Allemagne veut la guerre, nos discussions sont bien vaines. Rien ne pourra empêcher l'orage. Les nouvelles, elles sont franchement mauvaises, mon cher Jaurès. C'est-à-dire ? On signale des mouvements de l'armée allemande à proximité de la frontière. Et la France ? Il ne faut pas qu'elle prête le flanc à une éventuelle provocation. Mais rassurez-vous, j'y ai pensé. J'ai ordonné à la troupe de se tenir à 10 km de la frontière afin d'éviter tout incident. Il ne sera pas dit que nous aurons provoqué quoi que ce soit. Et la Russie, c'est de sa réaction que dépend la paix ou la guerre aujourd'hui. Nous le savons bien. Je vous assure que nous faisons absolument tout pour la calmer. Mais je vous dois la vérité. Nous sommes à un de ces moments où le sort de l'Europe peut basculer d'un instant à l'autre. Aussi, au cas où le pire se produirait, j'ai le droit de savoir si votre parti soutiendra la mobilisation et la guerre défensive que nous serions obligés de mener. Je ne me laisserai pas entraîner sur ce terrain. Jusqu'à mon dernier souffle, je lutterai contre la monstruosité que vous envisagez trop froidement. Nous devons jeter toutes nos forces dans la balance de la paix. J'espère sincèrement, monsieur Viviani, que nous ne serons pas seuls pour livrer ce combat. Je vous garantis que vous pouvez compter sur nous. Mais demain, c'est sur vous que j'espère compter. J'ai bien compris ce que l'on est en train de nous demander. On veut nous faire avaler le morceau immangeable et on ose même nous solliciter pour aider à le faire avaler aux travailleurs. Je sais que le temps viendra peut-être où il faudra que nous prenions une décision, mais tant que nous pourrons lutter, nous lutterons. Bon sang, qu'est-ce qui fait chaud ? Pas un brin de vent, on l'étouffe. Après son entretien avec le président du Conseil, Jaurès se précipite au siège de son journal, L'Humanité, au 142 rue Montmartre. Dans la rue, les gens l'arrêtent. Est-ce vrai, monsieur Jaurès, que nous aurons la guerre ? Vous allez nous éviter cette horreur, n'est-ce pas ? Chaque jour, chaque heure davantage, je croise des regards hostiles et l'indifférence hébétée des passants plongés dans leurs pensées. Les drapeaux tricolores apparaissent aux fenêtres. Des étudiants courent les rues en criant « À bas l'Allemagne !» Je sens monter autour de moi le fatalisme, une lassitude des esprits qui n'en peuvent plus d'avoir peur. Cela fait une semaine déjà que nous marchons au bord du gouffre. Comme il est tentant de se précipiter dans le vide pour en finir. Eh bien non ! Il faut tenir, lutter, espérer. Il faut se dresser face au vent, contre les marchands de mort et les semeurs de haine dont les voiles gonflées par la tempête nous mènent droit au naufrage. Mon Dieu, cette chaleur. Que cela cesse. Ce matin, je suis allé dans une armurerie et j'ai acheté un revolver. Un Smith & Wesson. Cela m'a coûté cher, mais la dépense ne compte pas. Je suis déjà tout à la joie de ce qui m'attend. La gloire et l'aventure. Enfin, je vais vivre en homme. Déjà, le revolver que je sers dans la poche de mon pantalon me donne un sentiment de puissance invincible. Sur la crosse, avec un canif, j'ai gravé un J. J pour Jaurès. Je lui réserve une balle dans la nuque à ce larron. Ce matin encore, Maurras, dans l'Action française, a dénoncé l'Allemand Jaurès, celui qui livre notre pays à l'ennemi. Il faut que cela cesse et qu'un homme se lève pour faire taire cette grande gueule. Je caresse mon revolver et je souris, extatique. Juillet. La nuit est tombée, mais la température ne baisse pas. Pour se rafraîchir, Jaurès décide de prendre un verre au Café du Croissant, un petit caboulot empli de fumée, de journalistes et de typographes. Rien d'étonnant à cela. Le quartier, surnommé la République du Croissant, concentre sur quelques rues la plupart des quotidiens. Au Café du Croissant, on croise des rédacteurs du Bonnet Rouge, de l'Humanité, du Petit Parisien et même de l'Action française. Et tout ce petit monde fait bon ménage sans s'adresser la parole. Jaurès s'est accoudé au comptoir, plongé dans ses pensées, devant son verre de bière. Après un long silence, il lâche à ses amis « Cette guerre va réveiller toutes les passions bestiales. Il faut s'attendre à être assassiné au coin des rues. » grand monsieur. Pouvez-vous me dire qui est Jaurès ? Vous ne le connaissez non pas ? Non ? Pas vraiment ? C'est le barbu aux yeux bleus, là. Celui qui boit une bière. Je vous en paye une, camarade ? Non. Merci. C'est gentil, mais je suis pressé. Jaurès ? C'est donc que lui ? Il n'y a rien d'un diable pourtant. Oh zut, il m'a vu. Qu'est-ce qu'il a donc à me fixer, celui-là ? Il m'a vu. Je m'en vais. Il m'a regardé dans les yeux et on peut pas tirer sur les gens qui vous regardent en face. Je reviendrai demain. Oui, demain. Ce soir, j'ai pas le courage. Je le tuerai demain. Je me le promets. Le travail qui nous apporte la vie, le pain, la liberté. Il est 1h du matin quand le député socialiste de Carmaux rentre chez lui, 8 impasse de la Tour, à Passy. Une maison en désordre où les livres envahissent tout l'espace, du rez-de-chaussée au grenier. Un capharnaüm qui force parfois Jaurès à racheter des livres qu'il possède mais qu'il ne parvient pas à retrouver. En dépit de l'heure tardive du coucher et de son sommeil en retard, le bonhomme se lève tôt, à 6h30 précise. Il commence sa journée par 1 heure de promenade qu'il ponctue par l'achat d'une pile de journaux au kiosque du coin. Avec le midi socialiste, ça fera 70 centimes cette fois. Tenez, un billet de 5 francs. Dame, je sais que j'ai pas la monnaie, moi. Il y a plus de monnaie, du reste. Hein. Tout le monde conserve ses pièces d'argent et veut me refourguer du papier. Moi, je pense que c'est à cause de la guerre. L'or et l'argent, ils se planquent toujours en temps de guerre. Mais c'est pas encore la guerre, voyons. Oh, moi, ce que j'en dis, c'est que s'ils la veulent, les alboches, ben ils l'auront. Alors, les 5 francs ? Gardez le billet. Vous me rendrez la monnaie demain. 31 juillet 1914. La guerre occupe toutes les unes et le papier dégouline de trouille et d'angoisse. Les tripes prennent le pas sur la raison. Jaurès lui-même n'emmène pas large. Et ce qu'il ignore est terrible. La veille, à 16h, le tsar Nicolas II a signé l'ordre de mobilisation. Le 31 juillet au matin, des affiches couleur de sang sont placardées dans tout le pays. La Russie est désormais sur le pied de guerre. Et l'Allemagne ne va pas tarder à en faire autant. Cette nouvelle accablante, je ne l'apprends que dans la matinée, en arrivant à la chambre. Elle n'est pas confirmée, mais les bruits les plus alarmants circulent dans les couloirs. Les députés affolés se regroupent dans la salle des quatre colonnes. Mes appels au calme tombent dans le vide. Renaud Dell se liquéfie. Ce n'est pas bon. Les voies ferrées et les routes entre l'Allemagne et la France sont coupées. Les lignes téléphoniques et télégraphiques aussi. Ce n'est vraiment pas bon. Tout à coup, quelqu'un arrive en courant, agitant une dépêche et s'écrie « L'Allemagne vient de proclamer le Kriegsgefahrzustand ». C'est la guerre ! C'est la guerre ! Allons, reprends-toi, Renaudel. Ce n'est pas parce que vous entendez le mot « Krieg » que la guerre est déclarée. Kriegsgefahrzustand. Cela veut dire « état de danger de guerre ». Tu admettras que ça convient à la situation. Tu es certain de ce que tu avances ? Cela ne veut pas dire mobilisation. Ce n'est pas encore la guerre. Il n'empêche, on s'en rapproche dangereusement. Si je comprends bien, on fait un pas de plus vers le précipice et on tombe dans le vide. Bon sang, mais qu'a fait le gouvernement ? Il m'avait pourtant promis de retenir la Russie. Ah, justement, voici le ministre de l'Intérieur. Hé, monsieur le ministre, la France est-elle vassale de la Russie ? Va-t-elle se laisser entraîner par elle dans la guerre ? Le ministre se retourne, blême, et sans dire un mot, il fait un geste d'impuissance avant de reprendre vivement sa course. Ce n'est pas possible, il faut négocier encore. Quoi, monsieur le ministre, vous allez permettre cela ? La France de la Révolution, entraînée par la Russie des tsars contre l'Allemagne de la Réforme ? Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas ! Au nom du ciel, monsieur le ministre ! Laissé sans réponse, Jaurès voit le sol se dérober sous ses pieds. La mort est au seuil de la maison et l'on se bat pour lui ouvrir la porte. Personne ne semble vouloir pousser le verrou. Et l'abattement se mue en fureur. Il est 15h. Avec plusieurs de ses amis députés, il saute dans un taxi en direction du Quai d'Orsay à la recherche du président du Conseil. Mais Viviani est absent et il doit se reporter sur Abel Ferry. L'entretien vire immédiatement à l'orage. Vous êtes victime d'une intrigue russe. Vous cédez aux appétits impérialistes du tsarisme et peut-être même les encouragez-vous. L'histoire retiendra la malpropreté de votre politique. Idiot que vous êtes! Vous voyez bien qu'Allemagne a tout manigancé et qu'elle refuse de discuter de quoi que ce soit. C'est elle qui a poussé la Russie le dos au mur pour lui faire porter le chapeau. Elle ne pouvait pas laisser la Serbie seule face à l'Autriche, comme nous, nous ne pourrons pas laisser la Russie seule face à l'Allemagne. La Russie est notre allié. Notre allié, la belle alliance que voilà, la République est le despote de droit divin. Votre alliance va nous coûter cher. Moi, je n'en connais qu'un seul de traité, et c'est le plus impérieux de tous, celui qui nous lie à la race humaine. Et ce traité exige que vous parliez immédiatement à Saint-Pétersbourg pour lui faire rengainer son épée. Il est trop tard. Il est fort probable que dans quelques jours, les armées allemandes marchent en direction de Paris. Nous aurons alors besoin du soutien de tous les Français. Le Parti Socialiste est une force importante. Se placera-t-il au service de la défense nationale ? Toujours votre infâme chantage au patriotisme. Vous ne vous rendez donc pas compte qu'aujourd'hui, en défendant la paix, c'est moi qui défends la patrie. Et que vous, en préparant la guerre, vous en êtes le fossoyeur ? Et puisque vous avez menti, nous allons vous dénoncer, ministre, à la tête légère. Vous voulez dire que vous allez vous désolidariser du gouvernement à l'heure du péril ? Vous n'oserez pas ! Les travailleurs, dont vous avez constamment le nom à la bouche, ne vous laisseront pas faire. Si vous continuez votre campagne contre la guerre, on vous tuera au premier coin de rue. Ainsi soit-il. Eh bien, Jaurès, que signifient ces épaules voûtées et cette mine de cadavres ? C'est fichu. Les dirigeants européens se sont tous crus plus malins que les autres. Ils ont fait cuire leur petite soupe sur leur petit feu sans imaginer que le feu va leur échapper. Et que les flammes vont tout dévorer. Est-il possible que vous ayez perdu votre indécrottable optimisme ? Il n'y a donc plus aucun moyen d'éviter... D'éviter l'inévitable ? Je n'y croyais pas. Mais aujourd'hui, je perds confiance dans l'humanité. Quoi ? C'est à cette barbarie que retourne 18 siècles de christianisme ? Le magnifique idéal du mouvement révolutionnaire ? La promesse d'émancipation de la démocratie ? Non, il y a des moments où l'on perd la foi, où on se demande si cela vaut la peine de se battre. Si l'homme n'est pas éternellement prédisposé à souffrir, à renier ce qu'il a de plus haut et à se vautrer dans ses plus bas instincts, aussi incapable de se résigner à sa nature animale que de s'en affranchir. J'ai perdu mes illusions. Je suis déjà un homme mort. Je ne comprends pas. Vous ne devriez pas redouter la guerre, puisque vous prédisez que la révolution socialiste pourrait en sortir. Lénine, actuellement réfugié en Suisse, n'est nullement mortifié par les événements. Il a même déclaré que la guerre était le plus beau cadeau que le tsar pouvait faire à la révolution. D'une guerre européenne peut jaillir la révolution, c'est vrai, et les classes dirigeantes feraient bien d'y songer. Mais il peut en sortir aussi une longue contre-révolution, une réaction furieuse, un nationalisme exaspéré et des dictatures étouffantes, un militarisme monstrueux, une longue chaîne de violences rétrogrades et de haine basse, de représailles et de servitude. Et nous autres, socialistes français, nous ne voulons pas jouer à ce jeu de hasard barbare. Nous ne voulons pas exposer sur ce coup de dés sanglant la certitude d'émancipation progressive des prolétaires que nous promet, dans la paix, la pleine victoire de la démocratie socialiste européenne. Comme ces mots résonnent étrangement dans nos heures sombres et tragiques. Il me semble qu'ils sonnent creux, qu'ils ne sont plus que des enveloppes vides. De mon taxi, je regarde les visages des Parisiens. Comme ils sont graves, les traits tirés, anxieux, épuisés. Au fond, la paix est déjà morte dans les cœurs. Je regarde les visages des Parisiens. Comme ils sont graves, résolus. Déterminé. On sent en eux la profondeur de l'âme française. On sent la fierté d'un peuple debout. Il ne faudrait pas grand-chose pour que les consciences se réveillent définitivement. Un simple coup de feu que je me promets de tirer. Tout en caressant mon revolver dans la poche de mon pantalon, je suis pris d'une inquiétude. Et si Jaurès ne venait pas ce soir ? Je suis assis depuis une éternité sur ce banc, rue Montmartre. Les yeux fixés sur la porte du journal L'Humanité, et je n'ai toujours pas aperçu la physionomie de Herr Jaurès. Il Il fait tellement chaud, je suis en nage. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce gredin? Je suis en train de me liquéfier sur place. 18h. Il fait chaud, moite, étouffant. On sent l'orage sourdre. Dans son bureau de l'Humanité, Jaurès a fait tomber le veston et tourne 100 fois sa plume au-dessus de la feuille blanche. Il hésite. Si nous lancions un appel à l'arbitrage d'un grand neutre, comme le président des États-Unis. Tu crois vraiment que nous aurons le temps? Moi, mon avis, c'est que les dés sont jetés. Ce matin, le général Joffre a menacé le gouvernement de démissionner si la mobilisation n'est pas décrétée demain. Tu vois où nous en sommes? La peste soit de toutes ces vieilles badernes! Écoute, Jaurès, je suis désolé, mais je crois qu'on n'a plus le choix. Il faut nous préparer à soutenir l'effort de guerre. On ne peut quand même pas appeler à l'insurrection ni au sabotage alors qu'on va nous agresser. Toi aussi, Renaudel, tu m'abandonnes. Il n'y a donc personne pour garder la tête froide ici. Il faut regarder les choses en face. Nous ne pouvons plus rien faire. La situation nous échappe comme elle échappe à tout le monde. Il paraît que l'ambassadeur d'Allemagne a réclamé ses passeports. Tu comprends ce que ça veut dire? Je comprends que le soleil vous tape sur la tête et que vous êtes tous devenus fous. Jaurès est en nage. Il est épuisé d'avoir tant lutté en vain. Il a promis pour demain d'écrire à nouveau J'accuse, où il dénoncera les va-t-en-guerre de tous les pays, la grande internationale du crime, marchand de canons avides, politique à courte vue, militaire dégénéré. Plus tard, après sa mort, quand les socialistes auront rallié l'Union sacrée et seront entrés au gouvernement, on prétendra au contraire qu'il se préparait à écrire un article appelant les travailleurs à défendre la France agressée. Bientôt, Jaurès appartiendra à tout le monde et on pourra facilement se revendiquer de lui puisqu'il ne contredira plus jamais personne. Je n'ai rien écrit du tout. J'ai juste débattu du fond de mon article avec Renaudel. Les heures passent vite ainsi à discuter de l'avenir du socialisme. L'horloge sonne 21h et mon estomac me rappelle aux contingences humaines. Certains veulent aller dîner au Coq d'Or, mais au Coq d'Or, il y a de la musique et des femmes. Et je veux de la tranquillité pour continuer nos discussions. J'opte donc pour le café-restaurant du Croissant. Jaurès, tu ne préfères pas rentrer chez toi? Ta fille t'attend. Ah oui, c'est vrai. Elle m'attend pour dîner. Tu sais qu'elle t'a préparé de la soupe au fromage. Oui, je sais. Elle me l'a dit ce matin avant que je ne parte. J'adore la soupe au fromage, mais... je ne peux pas partir. Je dois retourner à l'Humanité et écrire mon article après le dîner. Jaurès, ne va pas au Croissant. Rentre chez toi. Désolé, je dois faire mon devoir. Alors, tant pis. Bon, tant pis pour la soupe au fromage. Mais vous savez, ce soir au Croissant, c'est tarte aux fraises au dessert. Et moi, gourmand comme je suis, j'adore la tarte aux fraises. Jaurès s'empare d'une table de marbre et, rejoint par plusieurs amis, se plonge dans des discussions animées. Je l'ai reconnu. C'est lui. Cette fois-ci, je ne flancherai pas. Je suis en sueur. Il fait une chaleur du diable. Ma chemise me colle à la peau, mon cœur bat la chamade, mais je ne renoncerai pas. Je suis le groupe dans la rue jusqu'au restaurant du Croissant. La chance me sourit enfin. Toutes les fenêtres sont ouvertes pour faire courant d'air. Je soulève le rideau et découvre, à seulement 1 mètre, la nuque de Jaurès qui appelle le châtiment. Des clients anonymes viennent me serrer la main, me demander mon avis sur les événements. Je me contente de lâcher un « ça va mal ». Et ils partent la tête basse, les yeux épouvantés. À l'heure du dessert, comme nous n'en pouvons plus de parler de la guerre, un ami sort une photo de son portefeuille et me l'attend. C'est celle de sa fille. Un beau bébé de quelques mois à peine. Je dis « comme elle est mignonne ». Ce seront ses dernières paroles. Je sors mon revolver. Je retiens mon souffle et... Pan, pan, pan ! Crève, Jaurès ! Jean ! Jean ! Un éclair, une glace qui se brise et une femme qui pousse un cri déchirant, ils ont tué Jaurès. Le tribun s'affaisse. On tente d'étancher son sang avec une serviette, mais c'est peine perdue. Il est 21h40, ce 31 juillet 1914. Le cœur de Jean Jaurès a cessé de battre. Et maintenant, que le cri terrible et splendide éclate de toutes les poitrines. La guerre. La guerre qui régénère. La guerre salvatrice, la guerre bénie, celle que le pays attend depuis 40 ans. Que toutes les portes s'ouvrent, qu'on chante, que le canon broie le pavé, que les bottes résonnent sur la chaussée et que toute la ville se rue vers les gares, avec du peuple sur les toits, qui pleure, qui hurle, et que l'on s'embrasse en se mordant les joues. L'heure de la revanche a sonné. À Berlin. À Berlin. À Berlin. Ô jeunesse, qu'allez-vous faire de vos 20 ans? Oh, je connais la pente facile qui vous menace. On vous dit de vous écarter de la paix, de marcher à la guerre, de vous méfier de l'intelligence. Moi, je vous dis que vous êtes perdu si vous abdiquez votre intelligence. Si vous ne résistez pas à ce courant qui vous emporte, si vous croyez que les lumières peuvent se passer de la paix et de la démocratie, alors préparez-vous à marcher dans l'ombre. Car les lumières qui brillent sur l'Europe sont fragiles. Ne les laissez pas s'éteindre pour ne pas avoir demain à vous repentir, à gémir qu'on vous a trompé, que vous vous êtes trompé et que vous n'avez pas pu empêcher les ténèbres d'envahir le monde. Les derniers jours de Jean Jaurès, de Jean-Yves Le Naour, avec John Arnold dans le rôle de Jean Jaurès, Guillaume Marquet, Pierre-Louis Calixte, Pierre-Marie Schneider, Joachim Salinger, Hervé Furic et Claire Boust. Prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier, Emmanuel Armin et Yacine Monet. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Benjamin Habitant. Dans quelques minutes, nous retrouvons l'historien Gilles Candard pour parler de Jean Jaurès. Toi, tout ça ne te ressemble pas. Toi, mon pays en capitale, que j'ai foulé de mes premiers pas. Toi, tu sais comme j'ai honte parfois de l'image que tu donnes à voir, des idées qui battent ton trottoir. Vois, toi qui fais tant partie de moi, comme je voudrais mettre les voiles. Toi et tes millions de gens comme moi, qu'ont chopé le mal du pays, mais qui oseraient rêvasser dans leur lit. Vois cette majorité silencieuse, qui est trop timide, qui est trop frileuse, face aux loups qui sortent du bois. Vois comme tu gâches ton paysage, la peur plaquée sur ton visage. Toutes les voiles dehors, mais dès que je change de décor, je repense à toi. Ne te ressemble pas, toi qui ne mesures plus ta chance, tu ricanes de tes présidences. Vois comme tu mets la haine au devant, sensationnelle révélation et ce cynisme dans le vent. Vois toute l'emprise que tu as sur moi et dis-moi que tu changeras. Mais dès que je quitte ton décor, je reviens vers toi. Toi. Toi. C Séverin, France, dans Autant n'importe l'histoire sur France Inter, une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Fanny Cohen-Moreau, programmation musicale Djoubaka, à la technique Alice Berger. Alors Gilles Candard, vous venez d'écouter avec nous Les derniers jours de Jean Jaurès, écrit par Jean-Yves Le Naour, un autre historien qui connaît bien cette période. Il est l'auteur notamment de 1914, La grande illusion chez Perrin. Alors je disais en début d'émission à quel point aujourd'hui on a du mal à comprendre comment les Européens en 1914 ont pu se laisser prendre dans l'engrenage de la guerre. À votre avis, y avait-il un moyen vraiment d'arrêter la machine ? Je pense que personne, ou presque, n'a voulu positivement la guerre, en tout cas dans les gouvernants. Le problème, c'est que à peu près tout le monde s'y est résolu. Les gens ont accepté l'engrenage. Évidemment, depuis 1914, on débat pour savoir où se situent les principales responsabilités. Et là, bon, il peut y avoir des différences d'approche pour incriminer les Russes, les Allemands ou les Français. Je pense que Jean-Yves Daour a bien montré le problème. Les Allemands ont très peur des Russes, les Russes ont peur également des Allemands, et le régime tsariste qui a été malmené par une révolution en 1905 veut se refaire une santé. Il y a des oppositions entre Français, Anglais, Allemands, Russes, beaucoup de problèmes dans les Balkans, avec des grandes puissances derrière les différents peuples aux prises, les Russes d'un côté, les Austro-Hongrois de l'autre. Et ça crée une situation tout à fait explosive que Jaurès et d'autres dénoncent depuis longtemps. Jusqu'à présent, les Européens ont réussi à ne pas tomber dans la guerre ouverte. Et ça explique un petit peu, d'ailleurs, l'optimisme de Jaurès. On s'en est sorti en 1905, on s'en est sorti en 1908, en 1912, en 1913, alors que on était aussi au bord de la guerre, ils pensent que cette fois-ci encore, on va s'en sortir. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes politiques d'alors? On a quand même entendu René Viani et Abel Ferry mentir clairement à Jaurès. Est-ce que c'est de la lâcheté, une incapacité à penser, à agir, ou est-ce que c'est carrément une forme de cynisme? Peut-être parce que justement on est sûr d'être celui qui gagnera cette guerre. Je retiendrai plutôt dans ce que vous avez dit l'incapacité, c'est-à-dire que si vous voulez, il y a eu un peu un précédent après tout, puisque ça commence à Sarajevo, le problème entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie. En 1908, on a une crise qui ressemble beaucoup à cela, lorsque l'Autriche-Hongrie annexe la Bosnie-Herzégovine, et à ce moment-là, le gouvernement Clemenceau modère les Russes. Donc on voit bien, hein, c'est discrètement dit par Jean-Yves Daour. Jaurès espère que cette fois-ci, Poincaré et Viviani, qui sont en principe, disons, moins agressifs, moins intransigeants de caractère, avec qui il a eu des meilleurs rapports qu'avec Clemenceau, donc ils pensent que, a fortiori, dans cette crise internationale, ils vont avoir une influence modératrice. Justement, d'ailleurs, fin juillet, ils sont auprès du tsar en voyage diplomatique. Et la grande déception de Jaurès, mais peut-être aussi d'ailleurs à un moment son illusion, c'est qu'il ne s'aperçoit que dans les 24 dernières heures, en gros, que la France n'a pas eu cette influence modératrice. Donc la France n'a pas fait ce qu'elle avait fait quelques années auparavant. Et là, pour quelle raison elle ne le fait pas ? Il s'en rend compte. Eh bien, fondamentalement, sans doute parce que Poincaré, comme Viviani, pense qu'un pays comme la France ne peut pas s'humilier à reculer. On veut la paix, bien sûr. On prend les mesures qui ont été dites, hein, les militaires sont éloignés de la frontière, mais on ne veut pas donner une satisfaction politique à l'Allemagne. Et du côté de l'Allemagne, on voit bien que Guillaume II ne veut certainement pas personnellement la guerre, mais il se met finalement à la remorque de son état-major qui, lui aussi, veut montrer dans cette crise que finalement, les deux armées allemandes et austro-hongroises ne reculeront pas et imposeront une leçon à la Serbie. Donc c'est un peu cette attitude, si vous voulez, de fierté nationale qui pousse les gouvernements à accepter l'engrenage de la guerre. Et on pense que la guerre sera courte. Hein, Guillaume II, il dit à ses soldats, vous serez de retour avant que les feuilles ne tombent des arbres. Tout le monde pense que la guerre sera courte. Tout le monde pensait que la guerre serait courte avec les moyens modernes. Il faut dire que la dernière grande expérience qu'on avait connue entre justement l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, en 1866, les pauvres Autrichiens, enfin c'était que l'Autriche à l'époque, les pauvres Autrichiens avaient été battus avant même d'avoir fini de mobiliser. Ça avait été extrêmement rapide. Donc même si la guerre de 70 avait duré plus longtemps, on pense que les conditions modernes d'une guerre vont à la brièveté. On ne s'imagine pas une guerre longue. On a entendu Jaurès discuter avec son homologue allemand, Hugo Haas, le chef du Parti social-démocrate. Est-ce qu'on peut dire que la guerre 14-18 a sonné le glas pour longtemps de l'idée généreuse d'un prolétariat international qui serait plus fort que les nationalismes? Ah, en tout cas, c'est une défaite grave pour le prolétariat et pour l'international. Parce qu'effectivement, Jaurès avait consacré beaucoup d'efforts à mettre sur pied cette internationale, à essayer de la coordonner et à vouloir qu'il y ait une stratégie. Justement, ce sont les Allemands et les Autrichiens qui ont renaclé. Et les Français, les Anglais disaient il faut que le socialisme soit déjà une force et lutte contre le danger de guerre avec cette menace de grève générale. Et le fait que l'international n'ait pas été capable de s'entendre sur une stratégie et des moyens tactiques de lutte contre la guerre, contrairement à ce que demandaient les Français et les Anglais, c'est une défaite très grave pour à la fois l'idée socialiste, mais disons de manière plus générale, pour disons les idées de démocratie et de progrès. Et comment les Français, les ouvriers en particulier, justement, ont réagi au lendemain de la mort de Jaurès? Est-ce qu'il y a eu une menace un peu de grève générale? Alors, déjà, il faut bien se dire que tous les ouvriers n'étaient pas forcément socialistes ou syndicalistes. Il y avait de nombreuses opinions politiques. On se situe quand même là, à l'extrême gauche, qui est encore très minoritaire. La gauche, à l'époque, c'est encore surtout le Parti radical, des gens comme Clémenceau, Caillaux ou d'autres. Et il faut bien dire que l'assassinat de Jaurès, qui est dans son caractère dramatique, c'est qu'il intervient en même temps que la mobilisation française, et qu'en fait, les gens sont un petit peu abasourdis par la concomitance des nouvelles. À Paris, il y a dans les faubourgs ouvriers, il y a des réunions. Le gouvernement, à un moment, craint que ça tourne en émeute. Et ce sont les dirigeants socialistes, souvent eux-mêmes, qui demande aux gens de se disperser. Parce que autant je pense que Jaurès aurait tout fait pour essayer d'éviter la guerre, et qu'effectivement il aurait peut-être essayé encore de faire quelque chose, autant très vite les dirigeants socialistes constatant que la guerre arrivait, là, eh bien, évidemment, les socialistes, au fond, demandent à leurs partisans de se calmer, et les obsèques de Jaurès vont se transformer en fête de l'Union sacrée. C'est là, devant le cercueil de Jaurès, que le secrétaire général de la CGT, anarchiste d'origine pourtant, Léon Jouot, annonce le ralliement de la classe ouvrière à la défense nationale. L'autre personnage important de cette histoire, c'est Raoul Villain, qu'on a entendu, l'assassin de Jaurès. Est-ce que c'était un individu isolé, un déséquilibré, ou bien ce crime a-t-il été commandité? Raoul Villain est très bien décrit, me semble-t-il, dans Dramatique. Personnage faible, exalté, un peu mystique, avec des antécédents. Un frustré. Frustré, certainement. Alors, depuis, là aussi, 1914, on se demande s'il y a eu des complices. Disons que dans l'état actuel de nos connaissances, on peut penser qu'il a agi seul. Il a passé toute la période de la guerre en prison. Et il a été jugé qu'après la fin de la guerre. Et 1919. Il a été acquitté en 1919. Ouais, c'est une histoire incroyable. Il a été acquitté et c'est la veuve de Jean Jaurès qui a dû payer les frais de justice. Elle devait les payer. On pense qu'en fait, il a dû y avoir une remise gracieuse probablement. Jacqueline Lalouette, qui est la grande historienne du procès, expose cela très bien. Villain, cela dit, le lapin emporte en paradis, si je puis dire, puisqu'il a été assassiné aux îles Baléares au début de la guerre civile espagnole en 1936. Jaurès, pour vous, est un homme moderne, en quelques mots? Ah bah oui, un parce Européen. Que non seulement, c'est ça, il est à la fois français, il est européen et il est citoyen du monde, parce que l'idée internationaliste se réduit pas à l'Europe. Et donc justement, sa modernité, c'est que c'est un homme politique d'un pays en crise où il pense l'articulation entre la République, l'action politique, l'émancipation sociale et le destin de l'humanité, peuple d'Asie, Afrique, Amérique compris. Ça, c'est très moderne. Ouais, c'est moderne. Merci beaucoup, Gilles Candard. Votre biographie intitulée Jean Jaurès, coécrite avec Vincent Duclerc, est disponible chez Fayard. Autant n'importe l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Vous pourrez aussi écouter les émissions que vous avez peut-être ratées. Catalina de Erauso, la non-soldat espagnole partie dans le Nouveau Monde travestie en homme. Ou Artemisia Gentileschi, une femme peintre géniale de la Renaissance italienne. Et bien sûr, j'attends vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, vous pourrez entendre Le Chevalier de la Marque et Le Coup de la Girafe, un polar scientifique en 1802 au Muséum d'Histoire Naturelle, en compagnie de l'inventeur de la théorie du transformisme et avec sa fille de 12 ans, la charmante Aménaïde. Je recevrai l'historien des sciences Laurent Loison. À dimanche prochain. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.